ferai une exception. Je suis à la pointe comme étau. Je suis un alliage de métaux. Un qu'en or, c'est pas des mythos. Je suis le roi comme Enoch, pas l'étau. Pas de l'heure, pas de l'heure, pas de l'heure, pas de l'heure. Non. L'orlileur, l'orlileur, l'orlileur, l'orlileur. Garçon, c'est moi le serveur. Je ramène le flow sur plateau. Je veux toute la fumée, bâtard. Je prends même le mégot. Je ferai une exception juste pour elle. Mais j'aime pas les bécos. Le star power de Mike Jackson, elle déchire son tricot. Ouais, un flow pour les gouverner tous. Je suis seigneur des micros. Ils paniquent quand ils voient mon ombre. Ils se transforment en agneau. Dans la vallée avec ma tribu, je suis le seigneur des manos. Je suis le seigneur des manos. L'ours, le tigre et le dragon, c'est des trophées, pas de la déco. J'avoue que là je perds le contrôle, je fais même des bobos à des bobos. Si c'était pas déjà fait, lingo je compose 9-17, je traduis. Veux dire la djal ballon sous le maillot, mais alors moi j'y fais un boulot. Je rappe comme ma soif fait de sang, je vois rouge, servez-moi un Bordeaux. Je suis général, ils sont capot. Je suis plus gradé que ton poteau. Je dégaine comme Lucky Luke, j'en fais un fromage juste avant la photo. Ils me voient parler italien, c'est ciao. J'en ai plein sous le capot, tellement de chevaux, ils me font un cargo. Je suis la vengeance, pas la justice, Padre Mio, paix après le chaos, double 5, je vous donne un indice. Même les cathos tiennent à carreau. Les vilains connaissent le combo, la patate à Francis, one two punch, la civière, le caveau, le fleuriste est gratis, l'hôpital, le corbeau, j'enrichis le croque-mo. Fuck, parle dans mon dos, blablabla, bla, genre le baby Kennedy. Papa, papa, que la sœur à ton père, deux fois ta. Fais chier.